Ça te plaît? Pas cool, pas cool. Allez, parle dessus. Musique. Chloé, mais je vais pas rêver. Le nom de famille, c'est Chloé. Exactement. Ça te plaît? Tu veux pas chanter une chanson? Je suis pourvu d'une grosse tête. Allez, je vais chanter ma chanson. Aucune case. Exactement. Ok. Avait-il, n'avait-il pas, faisait-il, ne faisait-il pas? Avait-il, n'avait-il pas, faisait-il, ne faisait-il pas? Je pouvais rien faire du tout. Hein. Avait-il, n'avait-il pas, faisait-il, ne faisait-il pas? Avait-il, n'avait-il pas? Oh là, comment j'ai fait une phrase? Qu'est-ce que vous pensez? J'achète un rat. Ok. Qu'est-ce que vous pensez? J'achète un rat. Qu'est-ce que vous pensez? J'achète un rat. Qu'est-ce que vous pensez? J'achète un rat. Ah bonjour, qui est là? Allô? C'est qui? Allô? Le Terminator de la bonne vanne qui tue? Tu veux ma photo, banane? Comme si on était incapable de faire quelque chose simplement. Et les amigos, son armigo, tu vas bien? Allez, parle dessus. Moi je gueule la masquine, la gueule, moi le gueule, moi le gueule, moi le gueule, moi le gueule. Le rythme cardiaque, c'est bon? Avait-il, n'avait-il pas, faisait-il, ne faisait-il pas? Avait-il, n'avait-il pas, faisait-il, ne faisait-il pas? Je pouvais rien faire du tout, hein. Avait-il, n'avait-il pas, faisait-il, ne faisait-il pas? Avait-il, n'avait-il pas? Oh là, comment j'ai fait une phrase? Qu'est-ce que vous pensez? J'achète un rat. Ok. Qu'est-ce que vous pensez? J'achète un rat. Qu'est-ce que vous pensez? J'achète un rat. Qu'est-ce que vous pensez? J'achète un rat. Tu t'appelles bien Chloé? Mais je parie pas rêver. Avait-il, n'avait-il pas, faisait-il, ne faisait-il pas? Allô? Allô? Ah bonjour, qui est là? Tu aimes la ville, y'a pas de quoi. Tu aimes la ville, y'a pas de quoi. Tu aimes la ville, y'a pas de quoi. Qu'est-ce que vous pensez? J'achète un rat. Ok. Qu'est-ce que vous pensez? J'achète un rat. Qu'est-ce que vous pensez? J'achète un rat. Qu'est-ce que vous pensez? J'achète un rat. J'achète un rat. J'achète un rat. J'achète un rat.